Ok. Gros dash. Gros dash. Gros dash. Des hauts. Dans nos ghettos, on a laissé le bonheur à gauche ou nos crânes chauffent. Tu peux déceler la même tristesse que nos radios. Les keufs en graines, on les emmerde alors ça chauffe. Ça sent la jaune, le cachot et les flashballs. Les unis, c'est un peu un monde à part où on t'arnaque, te scarifie la face comme Tony Montana. Parce que le rap m'a fait quitter les tribunaux. Quand je lâche mon texte en caisse, un crochet du goal. Tu me fais de la peine, moi dans la rue on m'interpelle. Garde la pêche, retourne clasher des pixels sur internet. Dieu bénisse ma ville, Dieu bénisse mon mic. Je vais faire un concert au monde. Plutôt qu'à l'Elysée Montmartre. Qui représente l'ultimatum et les unis. Rodage. Je loin des hypocrites et des subis. Rodage. Si un cache aura direct la mort subite. C'est Des hauts. Qui représente l'ultimatum et les unis. Rodage. Je loin des hypocrites et des subis. Rodage. Si un cache aura direct la mort subite. C'est Des hauts. Dans mon hall sale, ça kiffe Ben Laden. Le hashish et la zeb, les calibres et la scène. Si tu parles mal, man, va niquer ta mère. Marche avec Bobby, Scar Logan, Six BKR. L'équipe PA, elle te demande pas qui paiera. Équipe PRA, on défouraille les petits pirates. BH, c'est du sous-sol que mon son a dû jaillir. Pour les frères d'El Jazair et mes franges a dû saillir. Ok, sors cloqué, s'il te plaît. J'ai un bélier si la porte est bloquée. Hardcore, la corde, je l'ai mise tranquille au cou. Parce que la vie, c'est qui tout doux. Y'a pas le bonheur chez qui loue tout. Cousin, si tu cherches d'âge, il est par là. Cause des dégâts irréparables. Ramène ton gilet par balle. Parle mal, et tu goûteras à l'attentat. C'est rap impact, rappelle-toi qu'il faut qu'on se batte avant taille. Qui représente l'ultimatum et les unis. Rodage. Je loin des hypocrites et des subis. Rodage. Si tu t'accaches, aura direct la mort subite. C'est Des hauts. Qui représente l'ultimatum et les unis. Rodage. Je loin des hypocrites et des subis. Rodage. Si tu t'accaches, aura direct la mort subite. C'est Des hauts. Retour maquetté car on rappe ne que toi. On a l'air insolite vu qu'on baise les lois. Lève le doigt avant tu serves de proie. Perds plus de temps, faut qu'on prenne du poids. J'ai à 1000 bords de leur mouvement hip-hop. De leur b-boy, des b-boy, m'en fous, j'ai l'antidote. Crâne rasé ou traître, j'avance qu'avec les vrais. Chante avec les frères pendant que des bâtards dansent avec des traîtres. Donc rien à foutre, on reste droit quoi qu'il en soit. Frappe toujours à la loyale pour éviter la noyade. Roya, c'est la vida loca, piña colada. Juste un petit spliff à local. Ouvrez les blocs que j'exporte, le son des blocs flow. Kickbox pour le poteau scorp et X-Sorp. Trois couplets on crame, tu connais le tableau. Vu que je suis venu avec tempo, tu ferais mieux sauver ta peau, niggas. Qui représente l'ultimatum et les unis. Rodage. Je loin des hypocrites et des suspects. Rodage. Si tu t'accaches, aura direct la mort subite. C'est Des hauts. Qui représente l'ultimatum et les unis. Rodage. Je loin des hypocrites et des suspects. Rodage. Si tu t'accaches, aura direct la mort subite. C'est Des hauts.